Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 6th March 2021 from cchits.net. Today's show features Remember by Dr. Groove Gang. Chantez. Débarque sur Dance Floor comme Travolta, sans le costard blanc et les pas de doigts. Juste un de ces mecs à qui on disait toi tu rentres pas, t'as pas la tête de l'emploi. Détends-toi, ce que je veux c'est danser le Mia. Le beat clac frappe comme Oscar de la Hoya. On mec c'est stay in the life, j'ai un mettre le fire. Sur la piste les zombies se croient à Goa. Ambiance moite, ça sent la sueur et la MDMA. Rien d'idyllique, c'est le tango des robots sur son synthétique. L'un d'eux s'approche, me dit de façon magnifique. Coincé fils, range tes exemples. Moi juste une dose de prise, danse avec les chevers si t'aimes. Mais laisse-moi kiffer ça, pur truc à l'ancienne qui passe pas à Ibiza. Souvenez des soirées où partout ça gouvait. Maintenant les gens font semblant peine, t'as communiqué. Pour les zombies, 3 pour le 5, pour le 4, c'est pas d'extasie. Les druides ont investi la scène. Matsuki sème des graines de bad et de peste qui se voient à la chaîne. Et y mène, adoucit les BPM. Prends le temps, la vie s'apprécie comme un délice suprême. L'ambiance est venue malsaine. La haine, partout se faufile et charge des mécènes. De moins en moins de clubs où règnent les fonds qui t'aiment. Et pour conclure, pas de veine, plus quart d'heure à l'américaine. Les sourires s'effacent, la peur sclérosée en graines. Vision, hygiène, love, c'est ça qu'on ramène. One Nation, under the groove. Get down just for the funk of it. One Nation, we're on the move. Nothing can stop us now. Remember Saturday night fever. Remember to a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track by Dr. Groove Gang called Remember, Remember. You can vote for this track by visiting cchits.net/daily/2021-0306. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week. Weekly show which is available from cchits.net/weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.